Abodemou. Adore l'Éternel. Abodebouane wa milele. Adore le Seigneur. Abodebouane. Exprime-lui ton amour. Anza kumonyesha mapendo yako. Quelqu'un adore le Seigneur. Kuna mtu ambaye anamwabudu Bwana. Quelqu'un parle au Dieu vivant. Kuna mtu ambaye anamwambia Mungu aliye hai. Quelqu'un parle à l'Éternel. Kuna mtu ambaye anaongea na wa milele. Il est l'Éternel. Yeye ni Mungu wa milele. Kuna mtu ambaye anamwaga roho yake mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Repato cœur de Dieu. Mwaga roho yako mbele ya Mungu. Assure toi que c'est ton cœur qui brille. Uhakikishe kwamba ni moyo wako ndio unaomba. Assure toi que ton cœur parle avec Dieu. Uhakikishe kwamba moyo wako unaongea na Mungu. Assure toi que tu es vrai devant Dieu. Uhakikishe kwamba uko tayari mbele ya Mungu. Excellent. prince, je bénis ton nom. Baba wa mbingu nalibariki jina lako. Je te sanctifie en ces lieux. Nakutakasa mahali hapa. Jésus-Christ, vainqueur des nations. Yesu Kristo mshindi wa mataifa. Vainqueur des vainqueurs. Mshindi wa washindi. Roi des rois. Mfalme wa wafalme. Seigneur des seigneurs. Bwana wa mabwana. Dieu vivant. Wewe ni hai. Dieu tout-puissant. Wewe ni mwenyezi. Mon cœur considère tout ce que tu as fait. Mioyo zetu zinatazama yote uliyofanya. Nani anayekufanana? À ton niveau, tout ce que tu fais est à ta taille. Inakuwa ni kwa kimo chako. Ce que tu fais à ta taille. Unaifanya ni kwa kimo yako. Même cette réunion. Hata mkutano huu. Elle est à ta taille. Iko kwa kimo yako. Car les hommes et les femmes sont venus. Sababu wanaume na wanawake wamekuja. Te chercher. Kukutafuta. Et tu vas te laisser trouver. Na utajiachilia upatikane. À ta taille. Kwa kimo yako. Oh merci. Oh asante. Ta fidélité est grande. Uaminifu wako ni mkubwa. C'est pourquoi. Na ndio maana. Nous soumettons. Tout esprit et toute chair à l'obéissance à Christ en ces lieux. Mahali hapa. Tout est soumis à Jésus. Yote natiswa mbele ya Yesu. Tout est soumis à toi. Yote natiswa mbele yako. Esprit impur. Roho chafu. Je vous soumets. Ninawatiisha. Esprit de sorcellerie. Roho ya uchawi. Je vous soumets à l'obéissance. Ninawatiisha kuchini ya Kristo. Esprit méchant. Roho je vous mbaya. Soumets. Ninawatiisha. Esprit d'occultisme et tout ça. Roho wa usuda na mangine. Vous êtes soumis. Munatiiswa. Vous êtes soumis. Munatiiswa. Vous êtes soumis. Munatiiswa. Vous êtes soumis. Munatiiswa. Par l'obéissance à Christ. Kwa kutii Kristo. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Tous genoux fléchira. Toute langue confessera que Jésus est. Simama mbele ya Mungu tafadhali. Lève toi s'il vous plaît, nous voulons faire une prière. Simama tafadhali tunatafuta kufanya ombi. Levons nos mains devant Dieu. Tunyoshe mikono yetu mbele ya Mungu. Nous voulons parler à l'Éternel. Tunatamani kumwambia Bwana. Et l'invoquer dans cette ville. Na kumuita ndani ya mji huu wa Gong. Que son trône descende dans ces lieux. Kiti chake cha enzi kishuke mahali hapa. Qu'il trône sur cette ville de Goma. Que toute hauteur qui pense ou pensait qu'elle a droit à cette ville. Elle a droit à cette ville. Se soumette. Ce soir maintenant. À Jésus-Christ. Commence à prier. Anza kuomba. Commence à prier. Anza kuomba. Évoque les dieux puissants. Ita Mungu mwenyezi. Sur cette vallée. Tu ya bonde hili. Cette vallée. Bonde hili. Sur cette vallée. Tu ya bonde hili. Sur cette vallée. Tu ya bonde hili. J'évoque le nom de Jésus-Christ. Anza kuita jina la Yesu Kristo. J'évoque le règne de Jésus-Christ. Na ita utawala wa Yesu. Sur cette vallée. Quelqu'un prie le Seigneur sur cette vallée, sur cette vallée, la vallée de Goma, de Kanyaruchinya à Kiroche, la vallée, dans cette vallée, que ton règne vienne, dans cette vallée, la puissance de Dieu, dans cette vallée, que tout soit soumis, dans cette vallée, les principautés, les pouvoirs, les autorités sont soumis, sont soumis, sont soumis à l'obéissance à Christ, à l'obéissance à Christ, soumis. Soumis au Seigneur des Seigneurs, soumis au Roi des Rois, au Roi des Rois, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, Roi des Rois, fais ton entrée, Viens, Seigneur. Règne. Aie tout le contrôle. Maintenant. Sasa. Maintenant. Sasa. Et quelqu'un acclame le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. À la manière de Dieu. Avec des cris de triomphe. Avec des cris de joie. Yelele. Alléluia. Alléluia. Alléluia. On y va ensemble. Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Encore une fois, alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Encore une fois, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Yelele. Père, bénis ta parole ce soir. Merci de nous avoir convoqués. Asante kwa kutualika. Nous sommes au rendez-vous. Tuko kwenye mkutano. Et tu es au rendez-vous. Na wewe uko kwenye mkutano. Merci. Asante. Que ta fidélité uaminifu wako nous encercle. Wendo katufundishe. Nous encercle. Wendo katuzunguke. Ce soir. Jioni ya leo. Que ta fidélité uaminifu wako nous couvre. Wendo katufunike. Ce soir. Jioni ya leo. Que la puissance de Dieu uwezo wa Mungu remplisse ces lieux. Wendo kajaze mahali hapa. Remplis ma vie. Wendo kajaze maisha yangu. Et la vie de mon frère et ma sœur. Maisha ya ndugu yangu na dada yangu. Et remplisse ces lieux. Na wendo kajaze mahali hapa. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Nous voulons sentir ta gloire. Tunahitaji tusikilize utukufu wako. Nous voulons vivre ta gloire. Tunahitaji tuishi utukufu wako. Merci car tu désires la libérer. Asante maana unahitaji kuiachilia. Merci car tu es présent. Asante maana uko hapa. Merci car ta puissance est présente. Asante maana uwapo wako uwezo wako uko mahali hapa. Ta puissance est présente. Mkono wako mwenye nguvu uko hapa. Toi-même tu es présent. Wewe mwenyewe uko hapa. À ton nom revient toute la gloire. Utukufu urudilie jina lako. Au nom de Jésus nous avons prié. Jina la Yesu Kristo tumomba hivyo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La conscience du besoin Zamiri ya itaji de la gloire de Dieu dans ma vie. Ya utukufu wa Mungu maishani mwangu. Qui sent qu'il est fatigué de ce programme? Nani ambaye anajisikia anachoka na mpango? Levez la main. Levez la main. Nyosha mkono. Qui sent qu'il veut ce programme? Nani anajisikia kwamba anahitaji mpango huu? Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit depuis le départ. Niliwaambia tangu mwanzo. Ce programme mpango huu concerne les riches et les pauvres. Inahusu wa maskini na tajiri. Les jeunes et les vieux. Vijana na wazee. Les rois et les sujets. Wafalme na wakaaji. Ce programme te concerne. Hii mpango inakuhusu. Me concerne. Inanihusu. Ce programme concerne les serviteurs de Dieu. Mpango huu unahusu watumishi wa Mungu. Ce programme concerne ceux qui pensent qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Mpango huu inahusu wale wote wanaofikiria kwamba wao si watumishi wa Mungu. Ce programme concerne ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mpango huu inahusu hata wale wasiojua Mungu. Et ceux qui n'ont même pas encore donné leur vie au Seigneur. Na wale ambao hawajampatia Bwana maisha yao. Ce programme te concerne. Mpango huu inakuhusu. Parce qu'à partir de cette opportunité, sababu kuanzia wakati huu, ta vie est en train de devenir tout autre. Maisha yako iko nageuka mengine. Lorsque le Dieu vivant, wakati Mungu aliye hai, le Dieu des cieux, Mungu wa mbingu, vient dans une vie, anakuja ndani ya maisha, et qu'il vient avec sa gloire, na anakuja pamoja na utukufu wake, c'est tout ce dont tu as besoin. Ni yote ambayo unahitaji. J'ai besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu. J'ai besoin de toi, Dieu. C'est tout ce dont tu as besoin. Ni yote ndio unaohitaji. Et je voudrais encore inviter chacun de nous na ningependa tena nimwalike kila mmoja wetu à être là de manière authentique. Akuwa hapa kikweli kweli. Sois authentiquement présent. Ukuwe kikweli kweli hapa. C'est-à-dire esprit, âme et corps. Ni kusema roho, nafsi na mwili. Essaye de te rassembler. Unawe ujikaze ujikusanyishe. Pour être là. Ili uwe hapa. Afin de ne pas rater. Ili usiweze kukosa. La chose qui ferait le bonheur de ta vie. Kitu ambacho kinaweza kuleta heri ya maisha yako. De ne pas rater. Usikose. La clé. Ile funguo. De ton avenir. Ya ujao wako. C'est tout. Na zaidi. La clé. Funguo. De 2020. Ya 2020. 2019 est en train de finir. 2019 iko na karibu ya mwisho. Qu'importe les déboires ou les victoires que tu as connues. Hijalisi kushindwa na ushindi uliyopata. Mais une chose qui n'est pas encore là. Lakini jambo moja ambalo haijakuwa. C'est 2020. Ni 2020. Et la suite. Na inayofuata. Si tu as raté hier. Kama ulikosa jana. Tu sais pas récupérer ça. Na hauwezi tena kuitoa. Alors ne rate plus 2020. Sasa usikose tena 2020. Il ne faut pas tout rater. Hayomba ukose yote. Tu as avancé de manière irrésistible. Ulitembea ukaendelea bila kupingwa. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Mais tu peux multiplier tes avancées irrésistibles à 2020. Lakini unaweza kuzidisha kuendelea kwako bila kupinga kwa 2020. Tu as expérimenté des victoires. Uliishi ushindi. Tu peux doubler ces victoires. Unaweza kufanya maradufu ushindi. Tu peux multiplier ces victoires. Unaweza kuzidisha ushindi huo. Tu as connu des échecs. Ulishindwa. Tu peux cesser de connaître des échecs. Unaweza acha unaacha kushindwa sasa. Je déclare que quelqu'un ici, na ninatamka ya kwamba kuna les échecs qui t'ont roulé comme dans une tata, roulé, ile kushindwa prennent fin aujourd'hui. Ishindwe siku ya leo, ishe leo. La vie a été amère pour toi. Maisha yamekuwa machungu kwako. Elle prend fin aujourd'hui. Inakwisha siku ya leo. Tu commences un nouveau départ. Unaanza safari mpya. Je vois le soleil qui se lève à l'Orient. Naona jua inayowaka mashariki. Et qui monte. Na mboyo inapanda. Et qui monte. Inayopanda. Et les gens sortent des maisons. Na watu wanatoka nyumbani. Et les fleurs qui la nuit s'étaient courbées comme ça. Na yale maua ambayo yamekuwa yamekuwa. Sentent le soleil arriver. Inasikia. Et commence à s'ouvrir pour accueillir le soleil. Le soleil levant. Le soleil levant. Qu'on appelle Jésus-Christ. Il s'élève dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui. Et ce programme-là ne va pas finir avant que tu n'aies expérimenté les effets de ces rayons qui te vivifient, qui produit la photosynthèse spirituelle dans ton existence, et que les choses qui étaient noires connaissent la touche des rayons de Dieu, des rayons de Jésus-Christ, et que là où se cachaient les ténèbres, qui se cachaient sous les lits, part aussi. Yende kaende nayo pia. Regardez. Tazama. Lorsque tu allumes la lampe. Wakati unawasha taa. Dans la maison. Ndani ya nyumba. La maison est éclairée. Nyumba inaangaziwa. Mais les ténèbres sous les lits. Lakini kuna giza chini ya kitanda. Mais lorsque Dieu allume son soleil. Lakini wakati Mungu anawasha jua lake. La chambre est allumée. Chumba kinaangaziwa. Et sous les lits, il y a la lumière. Na hata chini ya kitanda. La lumière de Dieu pénètre dans les coins et les recoins de la vie. Ndani ya pande na mapande zote. Tu as toujours cherché une sorte de lumière des hommes. Unakuwa kitafuta kila mara mwangaza wa wanadamu. Une sorte de secours humain. Inakuwa kama usaidizi wa wanadamu. Ce secours humain. Hii usaidizi a des limites. Inakuwa na mpaka. Mais le secours de Dieu lakini msaada wa Mungu a une tête chercheur. Inakuwa na kichwa kinachotafuta. Ça cherche partout. Et ça atteint partout. Même dans les cachettes. Même sous la terre. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Mais ces genoux fléchissent où? Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Alienda kuzimu. Il est parti à l'enfer. Quand le soleil leva se lève, ses rayons pénètrent jusqu'au kuzimu. Oh, on a pris mes caleçons, on a amené ça par les sorciers. Le soleil levant, le Dieu vivant, lorsqu'il vient dans ta vie, son soleil va rechercher là où on a amené tes choses. Va pénétrer partout où c'est parti. Va atteindre les coins, les recoins. Frère, sœur, tu as besoin de Dieu. Que son kabod vienne. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne dans ma vie. Dieu, Mungu, reviens, non? Sukuje. Mais est-ce que Dieu va trouver un cœur authentique? C'est Mungu atapata moyo wa kweli. Un cœur qui a pris conscience. Moyo ambao umechukua dhamiri. Que des fois Dieu est déçu. Mara Mungu anasikia moyo unavunjika. Nous avons vu hier. Tuliona jana. Dieu décide lui-même. Mungu yeye mwenyewe anaamua. De repartir de chez les Philistins. Aondoke kwa Wafilistini. Et Dieu conduit lui-même les vaches. Na Mungu yeye mwenyewe anaongoza ngombe. Jusqu'à Bethshemesh. Dieu décide de retourner sa grâce chez elle. Je rentre chez mon peuple. Je m'appelle Dieu d'Abraham. Dieu dit, je rentre chez nous. Et Dieu rentre chez lui. Chez Abraham. Quel privilège, Dieu! Comment tu t'abaisses jusqu'à ce niveau? Abraham, un être humain. Abraham, tu t'es collé à Abraham. Dieu dit, j'ai décidé de lui accorder ma grâce. Il est écrit, j'ai fait grâce à qui je vais faire grâce. J'ai fait miséricorde à qui je vais faire miséricorde. Les Philistins m'ont amené parce que j'étais en colère contre mon peuple. Pourquoi? Mon peuple n'a pas pris conscience de l'importance de ma voix. Mon peuple a pris conscience de l'importance de ma voix dans la forme. Dans la forme. Mon peuple voulait ma forme. Ils n'ont pas voulu moi. Ils n'étaient pas authentiques quand ils me cherchaient. Leur cœur n'était pas vrai. Ils sont partis me chercher. Et moi, amené dans le camp. Au front. J'étais mécontent. Je me suis laissé prendre par leurs ennemis. Et on les a terminés. La première étape de ce combat. 4000 morts. C'est après 4000 morts qui sont partis prendre l'arche et l'alliance. Ils ont amené au front. Et pendant que l'arche était au front, 30 000 morts. Mais Dieu est compliqué. 30 000. En présence de Dieu, il est resté calme. On va maliser. Exterminez-les. Ils ne sont pas corrects avec moi. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas vrais. Ils veulent ma forme. Mais ils renient ce qui en fait la force. De Timothée 3:5. Ils aimeront la parole et la piété. Mais ils renieront ce qui en fait la force. Ils me veulent de la bouche. Les restes ont fui. Les Philistins ont trouvé qu'ils ont même fui. Personne n'a pensé fuir avec l'arche. Ils ont moins quelqu'un pouvait être conscient de dire, hey, l'arche et l'alliance. Comme la guerre devient compliquée, je prends l'arche, je rentre avec et j'écoute. Ils ont fui, ils ont abandonné l'arche. Wakakimbia na wakacha sanduku la gano. Et les Philistins ont trouvé l'arche. Na wafilistini wakakuta sanduku wapo. Et sont partis avec. Na wakaenda pamoja naye. Leur Dieu. Mungu wao. Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Tu pars avec eux. Unaenda pamoja nao. La conscience. Zamiri. Conscience. Zamiri. S'écoute au voisin, dites la conscience. Tikisa jirani yako mwambie zamiri. La conscience. Zamiri. Vous savez, mnajua, dans la vie courante, ndani ya maisha ya kawaida, dans la vie séculière, ndani ya maisha ya kawaida, dans la vie humaine, ndani ya maisha ya wanadamu, personne n'a réussi. Hakuna aliyefaulu aussi longtemps qu'il a pris, il a pris conscience. Zaidi kama hajachukua dhamiri. Je dis vrai? Nasema kweli. Tant que tu n'as pas pris conscience, wakati haujachukua dhamiri, tu n'iras nulle part dans la vie. Utaenda nafasi maishani. Je voulais vous montrer trois cas. Nilitamani niwaonyeshe mifano tatu. Un homme riche, mtu mmoja tajiri, un homme pauvre, mwingine ambaye ni maskini, et un roi, na mwingine ambaye ni mfalme. Commençons par l'homme riche. Tuanzie kwa mtu ambaye ni tajiri. Chronique chapitre 1er. Mambo ya siku ya pili, mstari wake sura yake ya kwanza. Je vais pas colis, je vais juste vous montrer cela. Sitaki tusome, nitawaonyesha tu hiyo. De Chronique chapitre 1er. Mambo ya pili, mambo ya siku ya pili. Il s'agit d'un jeune homme. Hapa ni kijana moja. Un jeune homme riche. Kijana ambaye alikuwa tajiri. Il vient d'hériter. Amamaliza kurithi. Le pays. Kurithi nchi. Il vient d'hériter son père. Ameriti kutoka kwa baba yake. Les richesses de son père. Ile il s'appelle Salomon. Baba yake na anaitwa Salomon. Il est riche. Yeye ni tajiri. Les choses de son père sont à lui. Mambo ya baba yake yote ni yake. Et plus fort encore, il vient d'hériter la royauté. Il est passé roi. Il est roi maintenant. Yeye ni mfalme sasa. Les premiers événements de sa royauté. Matukio ya kwanza ya ufalme wake. Il prend conscience. Anachukua zamiri. Que j'ai besoin de l'Éternel. Ya kwamba ninamhitaji Bwana Mungu. Quand vous lisez chapitre 1er à partir verset 3 jusqu'au verset 12 ou 13. Unaposoma sura ya kwanza sura mstari wake wa 3 hadi 13. Il est écrit. Imeandikwa. Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Na Salomon akaenda na mkutano wote pa Gabaon. Trouvait la tente d'assignation et l'arche de Dieu avait été transportée de Kiriath Jearim à la place que son père lui avait préparée. Et qu'est-ce qui se passe? Nini nayopitikana? Ce fut là, verset 6. Shaili la sita. Que Israël, ambapo Israeli, que sur l'autel d'Erin, juya ile mazabahu, devant la tente d'assignation, mbele ya hema la kusanyiko, Salomon offrit Salomon à l'Éternel 1000 holocaustes. Akamtolea Bwana sadaka ya kuteketeza 1000. La parole immédiate, c'est pendant la nuit, de ce jour-là, Dieu veut voir Salomon. Et il lui pose une question. Demande ce que tu veux que je te donne. La conscience a conduit un riche à prendre conscience qu'il a besoin de la gloire de Dieu, qu'il a besoin de Dieu. la conscience. Zamiri. Et Salomon pose un acte. Na Salomon anafanya tendo. Qui attire le kabod. Ambao inavutia utukufu. Qui attire le Dieu vivant. Ambao inavutia Mungu aliye. Les mêmes jours. Siku hiyo hiyo. Dites les mêmes jours. Sema pamoja nami siku hiyo hiyo. Et je vais te prévenir. Sikiliza nitakuarifu. Les jours où. Siku ambayo. Tu vas prendre conscience authentiquement. Utachukua zamiri kikweli kweli. Et que tu vas poser des actes. Na utafanya authentique. Les mêmes jours. Hiyo hiyo siku. Dieu ne traîne pas avec les gens comme ça. Mungu akawe yake na watu kama na hao. Tu vas voir. Utaona. Les mêmes jours. Siku hiyo hiyo. Hallelujah. Amen. Regardez le deuxième personnage. Tazama mtu wa pili. 1 Chronique chapitre 4. Mambo ya siku ya kwanza sura ya 4. Verset 9 et 10. Mstari wake wa 9 na wa 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Quelle est la vie de Jaébet? Misère, douleur, malheur. Je l'ai engendré dans la douleur. Sa vie est un malheur. Sa vie est une douleur. Verset 10. Shaili la 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Jaébet akamwita Mungu wa Israeli. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Jaébet akamwita Mungu wa Israeli. En disant. Akisema. Si tu me bénis, donc bariki, je ne suis pas béni. Ni kusema si barikiwe. Et que tu étends mes limites. Na una, donc, je suis dans des blocages. Na unapanua mipaka yangu, ni kusema hapa nazuilika. Et si ta main est avec moi, na kama mkono wako donc pamoja ta nami, main n'est pas avec moi. Ni kusema mkono wako hauko pamoja nami. En sorte que je ne vois pas, je ne sois pas dans la souffrance. Na hata nisikuwe ndani ya mateso. Donc, tu es dans la souffrance. Ni kusema niko ndani ya mateso. Jaébet, tu es dans la souffrance. Jaébet, uko ndani ya mateso. Et tu prends conscience. Na unachukua zamiri. Qu'il y a un Dieu en Israël. Ya kwamba kuna Mungu Israeli. Et tu décides na unamua de chercher authentiquement le Dieu d'Israël. Utafute kikweli kweli. Je veux le Dieu d'Israël. Nahitaji Mungu wa Israeli. Je veux ce Dieu-là. Nahitaji Mungu huo. Dieu d'Israël, Mungu wa Israël, je viens te chercher. Na kuja kutafuta. Si tu fais ceci, ukifanya hivi. Si tu fais cela, ukifanya vile. Si tu fais ceci, ukifanya hivi. Trois points de suspension. Nukta tatu. Comme pour dire, ni kama vile kusema. Et ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Na ile niliyosema na ile ambayo sikusema. Si mnaomba ka vile. Nous prions comme ça. Tout ce que j'ai dit et tout ce que je n'ai pas dit. Mungu Dieu toi-même tu connais. Alléluia. Amen. Vous savez, unajua, certaines personnes prient de cette façon-là par tout simplement inconscience. Watu wengi wanaomba hivyo sababu ya kukosewa tu zamiri. Mais Jaébet n'est pas dans ce cas-là. Lakini Jaébet haiko ndani ya watu kama na hao. Ça signifie que sa prière a continué. Inamaanisha kwamba maombi yake yaliendelea. Trois points de suspension. Inakuwa ni nukta za kuendelea. Que dit la suite? Inayofuata inasema nini? Qu'est-ce qui vient après les trois points de suspension? Nini nakuja kisa nukta tatu ya on peut le dire kuendelea ensemble. Tunaweza soma pamoja. A haute voix. Kwa sauti kubwa. Kumbe Mungu anakuwa gentil hivi. Dieu est gentil comme ça. Mais Dieu est gentil. Mungu ni mwema. A réponse. Kufuatana. A un cœur conscient. Na moyo ambao una zamiri. Beaucoup de gens ont prié. Watu wengi waliomba. Même des jours de prière. Hata na siku za maombi. Et Dieu est resté tranquille. Na Mungu akabaki kimya. En fait, lorsqu'Israël va prendre l'arche de l'alliance pour ramener au front, wanaenda kuleta sanduku la c'est une forme de prière. Inakuwa kama ombi. C'est une prière qui dit, ni ombi ambayo unasema, Dieu, Mungu, les Philistins wa Filistini commencent à nous terminer. Wanaanza kutuangamiza. Viens nous aider au front. Njoo utusaidie kwenye shamba la mapigano. C'est une prière. Ni maombi. Et Dieu vient. Na Mungu anakuja. Parce qu'on l'a soulevé. Sababu wamemnyangua. On l'a amené. Wakamleta. On l'a déposé là. Na wakamweka hapo. Et il a croisé les bras. Na kisa kapachika mikono. Mais à la prière d'un homme sincère, d'un homme honnête, authentique, d'une conscience, prise de conscience authentique. Ce sont des réponses immédiates. Pour Salomon, la même nuit. Pour Jaébet, après le point de suspension, et Dieu, accorda akampatia ce qu'il avait demandé. Il aliyoiomba. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Le troisième personnage, mtu wa tatu, c'est David. Ni Daudi. Le père de Salomon. Baba yake na Salomono. Au début de son règne. Kwa mwanzo wa ufalme wake. Au milieu de son règne. Ama ilikuwa ni katikati ya ufalme wake. 1 Chronique chapitre 15 verset 12 à 13. Mambo ya siku ya kwanza 15, 12 hadi 13. Nous avons lu hier. Tulisoma jana. La première tentative de David. Jambo la kwanza Daudi alilolifanya. De ramener l'arche de l'alliance chez lui. Ili arudishe sanduku la agano. À la cité de David. Nyumbani kwake. Dans un endroit qu'il a préparé pour ça. Nafasi ambayo aliitayarishia. Et rappelez-vous. Kumbukeni. En cours de route. Njiani, la catastrophe est arrivée. Kulikuwa hatari iliyofika. Il est écrit David a eu peur. Imeandikwa ya kwamba Daudi akaogopa. Et il a dit. Na kasema. Amenez l'arche chez Obededom. Mupeleke isanduku la agano kwa Obededom. Et tout le monde s'est dispersé. Na kila mtu akatawanyika. Ce Dieu ici, il est trop saint. Anasema huu ni Mungu mtakatifu sana. Écoutez-moi bien. Munisikilize vizuri. Le trop plein de la sainteté de Dieu. Hii utakatifu wa Mungu. C'est un avantage pour toi. Inakuwa ni faida kwako. Nous voulons un Dieu semi-saint. Tunahitaji Mungu ambaye ni mtakatifu kinusu. Dites au voisin. Ambia Dieu jirani. N'est pas semi-saint. Mwambie njirani, Mungu si mtakatifu kinusu. Nous voulons un Dieu tolérant. Tunahitaji Mungu ambaye anavumilia mambo. Nous voulons un Dieu qui dit je suis saint. Tunahitaji Mungu ambaye anasema niko mtakatifu. Mais bon, écoutez, tu peux faire. Lakini sikiliza, unaweza kufanya, haiko hatari. Okay, je comprends. Naelewa. On veut un Dieu grand-père. Tunapenda Mungu ambaye atakuwa kama babu tate. Et Dieu n'a jamais voulu être un grand-père. Na Mungu hajahitaji hata siku moja. Il est l'éternel. Yeye ni Bwana wa milele. Le même. Yeye yule jana. Aujourd'hui. Leo na milele. Éternellement. J'imagine. Naona. Que Dieu existe. Mungu iko. Jeune. Kijana. Et qu'il y a beaucoup de vieux ici nakuna wazee wengi hapa qui sont plus vieux que Dieu ambao ni wazee kumshinda Mungu. Si on te mettait à côté de Dieu na wakikuweka karibu na Mungu tu apparais très vieux. Utaanza kuonekana kama Mungu wako uko jeune tu wewe unazeeka zeeka mbona Mungu wako uko jeune. Donc Dieu jeune mais toi tu as vieilli comme ça. Mais Dieu il est jeune. Mungu yeye ni kijana. Depuis l'éternité. Tangu umilele. Que sa jeunesse affecte quelqu'un. Acha ujana wako mguse mtu hapa. Quelquefois nous avons accepté le vieillissement comme un droit. Mara nyingi tumekubali uzee kama vile ni haki. Et comme une obligation. Kama vile shurti. Et les gens disent habituellement. Na watu wanasema kila mara. À leurs enfants. Kwa watoto wao. Vous voyez naanza komala. Vous voyez ce comment. Sona niko na komala. Je suis en train de vieillir. Sona tuko na zeheka. Hivi nisha zeheka. Nous sommes en train de vieillir comme je suis déjà vieux. Avez-vous déjà vu Dieu en train de parler comme ça? Et dire à l'humanité, humanité, mufanye mbio. Faites vite, je suis en train de vieillir. Ça risque d'être trop tard. Dieu est jeune. Mungu ni kijana. Il est intact. Yeye hagusiki kabisa. Il est frais. Yeye anakuwa vile vile. Je dis que Dieu est frais. Nasema Mungu anabaki hivyo hivyo. Il te communique sa fraîcheur. Acha kutangazie utu wake. Il est frais comme moi. Anakuwa kijana kama mimi hapa. Alléluia. Amen. Dieu il est frais. Mungu ni kijana. Il est le même. Ni yule yule. Il n'est pas semi-saint. Yeye haiko mtakatifu kinusu. Et c'est ça qui a heurté beaucoup des êtres humains. Na hii ndio imewakalisha wanadamu wengi. Beaucoup d'êtres humains. Wanadamu wengi. Suppose. Wanafikiria. Ou préfère. Ama wanatamani. Ou voudrait. Ama wangelitaka. Que Dieu. Ya kwamba Mungu. Ne soit pas trop saint. Asikuwe mtakatifu sana. Pour le permettre de respirer. Ili awaruhusu wapumue. Mungu basi mtu hawezi pumua tena. on ne peut plus respirer ici. Ta sainteté devient déjà grave. Si tu n'es pas poumon, on peut respirer. Donne-nous un peu de temps pour respirer. Vous avez vu ça? Si les gens ont les fêtes. Les gens ont les loisirs. Watu ont l'impression wanafikiria que le loisir n'est pas possible ya kwamba anasa si on n'a pas appelé Satan kama wakumita shetani ou qui apporte quelque chose de lui ili alete kitu chake. Quand on met des cantiques chrétiens wanapoweka manyimbo za kikristo wanasema tucheze ni ma musique ya hivi unasikia le musique comme celle-ci. Mais quand on amène un peu d'alcool lakini wanapoleta un peu d'alcool de Satan. Wanaleta pombe kidogo ya shetani. Les gens disent fête inaanza kolea sasa. Wanasema la fête maintenant commence. La fête commence. Karamu inaanza. La fête commence. Karamu inaanza. Parce que sababu on vient d'autoriser qu'il y ait un peu de péché. Wameruhusu ya kwamba kuwe zambi kidogo. Quand il n'y a pas un peu de péché dans la réunion, la réunion n'est pas bonne. Quand il n'y a pas un peu de péché dans la famille, la famille n'est pas agréable. Dieu, Mungu, sois un peu tolérant, non? Et Dieu dit, je suis saint. Anasema, mimi ni mtakatifu. Vous serez saint, mtakuwa watakatifu. Car votre Père céleste est saint. Mana baba yenu wa mbingu yenu mtakatifu. Seigneur, Bwana, tu dis saint? Unasema mtakatifu? Tu dis oui. Anasema ndio. Comment tu définis saint? Namna gani unasikiliza utakatifu? Je définis comme c'est défini. Unasema naielewa njisi inaeleweka. Hello, mudi. Na mwanadamu anasema? Hapana. No. Ni bien nguvu. C'est difficile. Vous avez entendu ça dans ce qu'on a lu hier? Mumesikia hii ndani ya ile tuliyoisoma jana? Les gens de Bethshemesh. Watu wa Bethshemesh. Ils ont dit qui peut vivre là où il y a Dieu aussi saint. Mais tu es trop saint, Seigneur. Nani ambaye anaweza kuishi pamoja na Mungu ambaye ni mtakatifu zaidi hivi? Na wakasema, à quel peuple on va amener ce Dieu ici? Watasema watu gani ambao mtawaleta? Ils ont envoyé des messagers. Wakawatuma wajumbe. À Kiriath Yearim. Wakawatuma Kiriath Yearim. Ili waambie. Peut-être vous. Sasa moja nyinyi. Vous êtes un peu mieux saint que nous. Mnaweza kuwa watakatifu. Venez prendre l'arche. Muje na mchukue sanduku. Partez avec. Na mwende pamoja nayo. Autrement dit. Kwa maneno mengine. La source de la vie. Chemchemu ya uzima. Est venu chez toi. Ilikuja kwako. Mais comme tu préfères un peu de péché, lakini jinsi unatamani zambi kidogo, tu dis, unasema, Dieu, Mungu, je veux bien. Na, itaji kabisa. Mais tu es trop saint. Lakini wewe ni mtakatifu zaidi. Moi, je ne saurais pas te supporter. Mimi sitaweza kukuvumilia. Pasteur Pierrot, mchungaji Pierrot, viens prendre Dieu. Kuja umchukue Mungu. Et pars avec. Na uende pamoja naye. Et quand Pasteur Pierrot part avec, na wakati mchungaji Pierrot anaenda pamoja naye, il part avec quoi? Anaenda pamoja na nini? Avec la source. Anaenda pamoja na chemchem. Et je reste avec quoi? Na mimi nabaki na nini? Vide. Nabaki wazi. Tu préfères qui? Wewe unatamani nani? La liberté. Unahitaji uhuru. Respirer. Upumue. Tu veux vivre? Unahitaji uishi. Un peu d'impudicité. Uzinifu kidogo. Un peu de fidélité. Un peu de vol et de détournement. Wizi. Parce que si ces choses ne sont pas dans ta vie, sababu kama mambo haya hayako maisha yako, la vie n'est pas agréable. Maisha haiku mzuri. Elle est agréable. Inakuwa mzuri. Lorsque je reviens du boulot. Wakati natoka kazini. Avec une enveloppe. Pamoja na bahasha. Ou avec quelques sous. Ama nikiwa na pesa kidogo. Que j'ai pris. Ambao nilitoa. C'est peut-être le salaire des agents. Ilikuwa ni mshahara ya watumishi. Et je passe dans une quincaillerie. Na ninapita ndani ya duka. J'achète le ciment et le métaux. Na nunua sima pamoja na chuma. Et je dépose au chantier, je vais à la maison. Na napeleka mahali niko najengea nyumba narudi nyumbani. Et 3 jours après les agents disent papa est-ce que atutalipiwa? C'est non l'état hayaleta. Na kisha siku tatu watumishi wanauliza je hatutalipwa? Nasema serikali haijaleta pesa. Je vais appeler le ministère. Anasema nitaita waziri. Heureusement aujourd'hui, Heri, on a fait la bancarisation. Wamefanya kila mtu amechukua mshahara wake kwenye benki. Vous savez certaines fois les lois. Unajua mara sheria. Aide certaines personnes à ne plus pécher. Zinawasaidia watu fulani kutofanya dhambi. Lorsqu'un pays. Wakati nchi. Fait respecter ses lois. Inaheshimisha sheria zake. En même temps sans le savoir. Ce pays aide son peuple à se sanctifier. Il est écrit, quand la bassesse règne au milieu du pays, l'ennemi se promène librement. Et quand l'ennemi se promène librement, les malheurs aussi se promènent librement. Et les gens naviguent et nagent dans le péché librement. Et voici David. Il a essayé hier pour prendre conscience et ramener l'arche de l'alliance chez lui à la maison. Ça n'a pas marché. Mais heureusement qu'il avait déjà pris conscience. Il est parti réfléchir. Il est parti consulter les livres. Et il a compris qu'on ne transporte pas Dieu de cette manière-là. On ne porte pas Dieu sur des matériaux comme ça. Dieu, on les transporte sur les épaules. Pas de n'importe qui. Pas les épaules des agriculteurs, des commerçants et là. Sur les épaules des Lévites. Et il dit aux Lévites au chapitre 15, verset 12, il leur dit: vous êtes les chefs des familles des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Regardez le verset 13. Il dit: parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappé. Parce que vous n'étiez pas là. J'avais déjà pris conscience. Mais une chose m'a échappé. Suivez-moi bien. Quand tu prends conscience, c'est déjà bien. Mais renseigne-toi. Quelles sont les règles? Il dit: nous a frappé, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. D'autres versions disent: nous ne l'avons pas cherché selon les règles. Les Lévites, levez-vous, allez prendre l'arche. Non. Lévites, sanctifiez-vous. Même quand c'est toi qui es désigné pour faire quelque chose, il y a des règles à suivre. Même quand Dieu a promis quelque chose, cela est suivi de certaines règles. Nous ne l'avons pas cherché selon les règles. Et il nous a frappé. Nous étions bien intentionnés pour ramener le cabot de Dieu chez nous. Mais dans cet effort-là de ramener Dieu chez nous, il nous a frappés. Amen. Amen. Je peux voir quelqu'un s'il est là. Est-ce que vous êtes attentif? Vous êtes là? Je ne l'ai pas cherché selon les règles. Il nous a frappé. La conscience, Zamiri, mais l'opération, lakini kazi, selon les règles. Kufuatana na kanuni. Le quatrième personnage mtu waine, que je voudrais vous montrer, ambao ningependa niwaonyeshe, c'est son prédécesseur. Ilikuwa aliyemtangulia. Saül. Anaitwa Saulo. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 17. 1 Samuel 15, 17. Samueli wa kwanza 15 mstari wake wa 17. Le sacrificateur lui dit: kuhani kamwambia, Samuel lui dit, Samueli kamwambia, il dit au roi: Lorsque tu étais petit à tes yeux, ulipokuwa mdogo machoni pako, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Je, hukuwa mkubwa et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Na Bwana Mungu akukupaka mafuta ili uwe mfalme juu ya Israeli. Lorsque tu étais petit à tes yeux, wakati ulikuwa mdogo machoni pako, Saül, Saulo, regardez-le au début de son règne. Mumtazame kwa mwanzo wa utawala wake. Même le jour où on l'a intronisé. Hata siku walipomshimika. Le candidat roi. Ula mbaya alikuwa. Est parti se cacher dans les bagages. Falme akaenda kujificha ndani ya mizigo. Il fallait une révélation. Na iliomba ufunuo. De l'homme de Dieu. Ya mtu wa Mungu. Pour qu'on repère là où le candidat roi est parti se cacher. Regardez ça au chapitre 10. Quand tu étais petit à tes yeux, j'ai fait de toi roi. Quand il y avait un principe qui fonctionnait en toi, je t'ai trouvé. La Bible déclare, l'Éternel parcourt la terre de son regard pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier. Tous ceux dont le cœur sont authentiques. Et il a trouvé Samuel, plutôt Saül. Il n'était pas dans la lignée royale. Il descendait de Benjamin. Mais il était petit à ses yeux. Et Dieu a dit, je prends ce petit. Et il a fait de lui roi. Quand vous lisez l'expérience de Saül, à partir du chapitre 10, il va faire une première bataille. Atafanya vita ya kwanza. Au chapitre 11. Kwenye sura ya 11. Saül, vainqueur des Ammonites. Saulo mshindi wa Amoni. Il est encore petit à ses yeux. Angali mdogo machoni pake. Il dépend de Dieu. Angali nategemea Mungu. Il cherche l'appui de Dieu. Angali natafuta usaidizi. Il se réfère à Dieu. Angali namuangalia mfano kwa Mungu. Il consulte Dieu. Anamchunguza Mungu. Et il a gagné la première bataille. Na kashinda vita vya kwanza. Malheureusement, bahati mbaya, j'ai l'impression, ninafikiria, que ce jeune homme, ya kwamba kijana huyu, a tout de suite perdu hapo hapo sa conscience, akapoteza zamiri zake, de sa dépendance de Dieu. Za kumtegemea Mungu. La deuxième guerre qu'il va faire, vita vya pili atakavyo vipigana, il commence des bêtises. Ananza sasa machafuko. Regardez. Tazama. Au chapitre 13. Kwenye sura ya 13. Guerre des Philistins, holocauste de Saül. Vita pamoja na wafilistini, sadaka ya kuteketeza. C'est la deuxième guerre. Hii ni vita vya pili. Il organise la guerre. Anatayarisha vita. Le sacrificateur n'est pas là. Makuhani haiko. Il dit j'arrive. Na nasema nafika. Mais le jour passe. Lakini siku inapita. Et Saül. Na Saulo. Dit à ses hommes. Anaambia watu wake. Donnez-moi l'holocauste. Munipatie sadaka. L'homme de Dieu traîne. Munipatie ile sadaka mtu wa Mungu anachelewa. Mimi mwenyewe nitamtolea Mungu. Et il a pris la place qui lui appartient. Na akachukua nafasi ambayo sio yake. Il prend l'holocauste. Anachukua sadaka ya sacrifice. Na naanza kutoa. Et quand il commence à finir. Na wakati anatafuta maliza. Samuel arrive. Mtu wa Mungu Samuel anafika. Et il pose la question. Na namuuliza swali. Uko mu mambo gani? Tu es dans quelle chose? Tu es dans quelles affaires toi? Tu es dans quoi? Regarde les larmes de Samuel. Tazama sasa machozi ya Samueli. Saül lui dit. Saulo kamwambia. Je me suis dit. Nilijiambia. Que les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Ya kwamba wafilistini watanishukia implorer l'Éternel. Na sikumuita Mungu. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai fait offrande. J'ai offert l'holocauste. Na ni hapo ndipo nilipotafutisha nikatafuta sadaka na nikatoa sadaka ya kuteketeza. Na Samueli akamwambia Saulo. Tu as agi en insensé. Ulitenda kwa upumbavu. Tu n'as pas observé les principes de l'Éternel. Haukuchunguza kanuni za Bwana Mungu. Ton Dieu. Mungu wako. T'avait donné. Alikupatia. L'Éternel Bwana Mungu aurait affermi angepaswa kuimarisha pour toujours kwa umilele ton règne en Israël ufalme wako Israeli. Mais maintenant lakini sasa ton règne ufalme wako ne durera point haita dumu kamwe. Mbona huya kawia tu n'as pas encore duré. Nini mekufikia? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hier, j'étais petit à mes yeux. Et je dépendais de Dieu. J'avais pris conscience que j'avais besoin de Dieu lui-même, de la gloire de Dieu. Mais quand Dieu m'a donné juste un gramme de sa gloire, j'ai cru que tout dépend de moi. Et j'ai ignoré Dieu. J'ai perdu la conscience de mon besoin de la gloire de Dieu dans ya ma wa Mungu maishani mwangu. N'est-ce pas ce qui arrive à beaucoup ici? Si unayowafikia wengi mali hapa. Tu évoques Dieu, tu évoques Dieu. Unaita Mungu, unaita Mungu. Et il descend dans ta vie. Na anashuka maishani mwako. À la première bénédiction. Kwa baraka tu ya kwanza. Qu'il t'offre. Anakupatia. Tu te réjouis. Unafurahi. Et tu cherches les assiettes amis. Na unatafuta warafiki wa kale. Avec qui tu étais dans le monde. Ambao ulikuwa pamoja nao duniani. Parce que les fêtes étaient plus agréables à ce temps-là. Sababu karamu zilikuwa katika si j'appelle les frères, nikiita ndugu, la fête ne sera pas agréable parce que Satan ne sera pas présent. Nikiita ndugu katika Kristo karamu haitakuwa nzuri sababu shetani hatakuwa. Na unaitisha shetani. Et tu appelles, tu invites Satan. Auitisha taba kuhani. Tu n'invites même pas les sacrificateurs. Benye banajua kwenye imambo inatokea. Ceux qui savent d'où viennent ces choses. Bakuhani batapata habari. Et les sacrificateurs vont juste avoir l'information. Quand les malheurs vont reprendre. Wakati mateso yatarudi. Alors les sacrificateurs sont informés. Na sasa makuhani wanaitwa. Certaines fois ils savent même pas les jours tu as été béni. Na mara hawajui hata na siku ulibarikiwa. Et c'est quand tu vas les dire que tu étais Dieu avait déjà commencé à agir. Na hapo sasa ndipo naambia Mungu alikuwa ameshaanza kutenda. En fait, pasteur, tu vois. Oh mchungaji unaona? Donc tu vois l'autre fois là. Sinaona ile siku nyingine ile. Donc c'était l'année antérieure. Ilikuwa ni mwaka juzi. Ça fait 2 ans donc. Sinakuwa miaka 2. Que Dieu avait agi. Ambao Mungu alitendaka. Alors, ok, tu viens d'arriver. Hein? Umefika. Bon, quel est le sujet? Mada ni gani? Non, donc maintenant là, ce sont les malheurs. Nawaambia hapa sasa ni mateso. J'ai pas appris quand le bien est arrivé. Siku j'apprends quand le malheur arrive. Sikupata habari wakati mazuri yalifika. Mabaya yanapofika. Et il y a certains qui sont même courageux. Na kuna wanaokuwa na bidii. Ndio pasteur. Wanakuja ambia mchungaji. Pasteur, il faut jeûner pour moi. Mchungaji unifungie. Vraiment problème yangu iko ya nguvu. Mon problème il est dangereux, il faut que tu prennes une retraite pour moi. Il faut que tu entres en retraite pour moi. Jeûne pour moi. Ufunge kwa ajili yangu. Maigris pour moi. Ugonde sababu yangu. Que l'estomac crève pour moi. Mfuko wangu tumbo teseke kwa ajili yangu. Et ça fait 3 ans. Na inafanya miaka 3. Que ce même estomac avait produit. Ambao ile tu es parti jouir ile mafungo niliyofanya avec le monde ikaleta matokeo ambayo ulienda kukula dunia na kisha unarudi pour recourir à cette même estomac ili urudilie tu kwa ile tumbo yangu tu. Je connais où il y a un estomac qui m'a aidé un jour. Najua tumbo moja ilionisaidia je rentre là où il y a cet estomac narudi mahali ambapo kuna tumbo hiyo. Pasteur active encore ton estomac. Mchungaji wende kafunge tena tumbo yako. Angalia mwenza kumuuliza iko vile njuko nafanya. Regarde ton bien-aimé, il dit lui est-ce que c'est pas comme ça que tu es en train de faire? C'est pas comme ça? Sio hivyo. C'est comme ça que Samuel dit à Saül. Na hivyo ndivyo Samuel anamwambia Saul. Lorsque tu étais petit à Kesi. Wakati ulikuwa mdogo machoni pako. Je hakukuwa mfano. Dieu n'était pas t'a-t-il pas tout donné? Na Mungu akukupatia yote. Maintenant lakini sasa avec une simple victoire, première victoire. Ushindi tu mmoja. Tu oublies Dieu. Unasahau Mungu. Tu vires les principes de Dieu. Na unaanza kufuta. Tu veux plus rien entendre. Na upendi tena usikilize kitu. Et Saül donne des explications. Na Saul ananza kujifasiria. Oh, le peuple a dit. Oh, watu oh non, j'ai vu. Oh, niliona. Que l'ennemi s'approchait. Ya kwamba adui alikuwa anakaribia. J'ai senti que il fallait que j'évoque l'Éternel. Niliomba nimuite Mungu. Qui t'a établi sacrificateur? Nani ambaye alikushimika kama vile kuhani? Alléluia. Amen. On va continuer demain. Tutaendelea kesho. Mais j'aimerais lakini ningependa partager avec vous certaines choses qui indignent Dieu. Mambo fulani ambayo inamchukiza Mungu. Chez les siens. Kwa walio wake. Que nous tirons ambao tunaondoa la pensée dans ce 1 Samuel chapitre, dans toutes ces pensées que nous sommes. 1 Samuel chapitre 6 et 7. Samuel wa kwanza et sura 6 na 7. 14 et tout ce que nous sommes en train de partager. Na mambo ya siku ya kwanza 14 na 13 na 14 tu vas commencer à circuler. Vitunga vya sadaka vitaanza kupita. Na tunakuwa tukimtolea Mungu. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu na dada yangu. Le Dieu des cieux. Mungu wa mbingu. Le Dieu vivant. Mungu aliye hai. Est encore disposé. Iko tayari. Pour venir vraiment décharger. Ili akuje kabisa. Tout son être dans ta vie. Utu wake wote maisha yako. Il est prêt. Iko tayari. À décharger toute sa personne. Atie utu wake wote. À remplir ta vie de lui-même. Ajaze maisha yako na yeye mwenyewe. Ma prière est que. Naombi langu ni kwamba. Dieu. Mungu. Vienne me remplir de lui-même. Seigneur, remplis-moi de ta personne. Seigneur, remplis-moi de ton être. Remplis-moi de toi, Seigneur. Mais quelles sont les choses à partir de ce parcours que nous venons de faire qui ressort comme ayant indigné Dieu? La première, c'est l'inattention envers ses prescrits. Ya kwanza ni kukosa angalisho mbele ya aliyoarifu. Nous courons souvent. Tunakimbia mara. Pour attraper la bénédiction. Kwa kupata baraka. Ou la promesse de Dieu. Ama ahadi ya Mungu. Mais nous ne faisons pas attention. Lakini hatufanyi angalisho. Sur ses prescrits. Juu ya ile ambayo aliyoarifu. David a dit. Daudi kasema. Nous t'avons pas cherché selon les règles. Hatukukutafuta kufuatana na dans le psaume 107 verset 11 il est écrit ndani ya Zaburi 101 parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu sababu walinukia maneno parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut sababu walizarau shauri ya Mungu aliye dans Lévitique 26 43 il est écrit Walawi 26 le pays sera abandonné par eux inchi tachiliwa nao et il jouira de ses sabbats pendant qui restera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leurs iniquités par ce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Deuxième chose qui indigne Dieu, l'inattention envers la personne de Dieu. Dans 1 Samuel 6, 13, il est écrit les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient le blé dans la vallée. Ils levèrent les yeux et aperçurent l'arche. Et ils se réjouirent à la voyant. Mais vous connaissez la suite. Ils ont accueilli l'arche. Ils ont même appelé quelques lévites. Ils ont offert des sacrifices. Et puis ils ont laissé l'arche sur la grosse pierre. L'inattention. Avez-vous conscience que celui que vous recevez, c'est l'Éternel? Et comment vous les recevez? J'imagine Dieu naona Mungu. Et ayant été laissé là sur la pierre en train de regarder ces gens de Beth-Shemesh et se dire dans son cœur vous me prenez comment? Vous me prenez pour qui? Beaucoup d'entre nous, comment nous prenons Dieu? Même avec les simples choses sacrées. Vous prenez Dieu comment? Tu viens à l'église, on est en train de prêcher la parole, et toi tu es dans les bazokans. Wako wanahubiri neno na wako wanakula bazoka. Tu prends Dieu comment? Et quand il ce n'est plus sucré, il prend ça. Na bamba kukiti. Na wakati sukari naisha naondoa natia kwenye kiti. Les simples choses sacrées, ça dit juste ici, les choses de Dieu. Tu es incapable. Est-ce que tu te rends compte? Je uko na gundua, uko naelewa. La personne de Dieu, uko wapi? Utu wa Mungu, où est-ce que tu es? Uko wapi? Où est-ce que tu es? Et nous voulons que Dieu vienne. Na tunahitaji Mungu wa kuja. Mais l'inattention. Lakini kukosa. Ne fût-ce que te rendre compte de ce que Dieu est quand même à l'arche. Je crois que ça fait 4 ans ou 5 ans. Je vous ai prêché sur Dieu ce que Dieu est. Vous vous rappelez de ce message? Vous vous l'avez jeté dans la poubelle? L'inattention. Frère, sœur, comment ton âme se comporte face à la réalité de Dieu? Mungu comme enzako. Est-ce que Dieu c'est ton ami? Les gens viennent même à l'église. Watu wanakuja hata kanisani. Dans la présence de Dieu. Ndani ya uwepo wa Mungu. Et il est juste en train de viser le sac de la sœur. Na iko naangalia saki ya dada. Et attendre que la sœur soit un peu plus spirituelle. Angoje tu dada ingie kiroho sana. Pour s'approfondir dans sa prière. Ili aingie kilindini maombi. Pour qu'il ait raison d'aller à la toilette. Ili naye akuna sababu ya kwenda kwenye sac d'autrui. Pamoja na saki ya watu. Est-ce que tu penses à la personne de Dieu? Et quand tu prends le sac, tu pars avec. Tu penses que tu penses quoi en fait? Tu as volé où? Dans la présence de Dieu. Mieux vaut voler quelque part dans la cité, quelque part. Où tu peux au moins être un peu sûr que Dieu n'était pas là. Et quoi, quand il y a un mais même là-bas, nous avons dit hier, Dieu est là-bas et te voit. Mais quelle est ton audace dans la maison de Dieu? Tu regardes à gauche à droite et tu sors et tu t'en vas. Personne ne me voit. Le protocole ne me voit pas. Et puis je vais à la toilette. Tu entres à la toilette. Tu n'as pas de besoin. Avec le sac d'autrui. Tu regardes dans le miroir. Pour arranger un peu. Et puis un peu. Et puis tu fais ça. Avec le sac d'autrui. Pour que les gens croient que c'est ton sac. Et puis tu ressors. Le culte n'est pas encore fini. Tu es parti. Na umeenda. Ibada inaisha. Le culte est fini. Na sac ya batu. Et le sac d'autrui. Est-ce que tu te rends compte la personne de Dieu? Je uko naelewa utu wa Mungu. Tunakamata Mungu wa ebandu. Comment nous prenons Dieu, bien-aimé? Il est écrit, il est terrible. Il m'a dit quoi ni hatari. Il est terrible. Ni hatari. De tomber dans les mains du tout. Kuanguka mikononi mwa Mungu Mwenyezi. Il est terrible. Hatari. Dit il est terrible. Sema ni hatari. Si Dieu t'a patienté hier. Kama Mungu alikuvumilia. Tu as pris le premier sac. Ulichukua saki ya tano. Tu prendras même le cinquième sac. Utachukua tena saki ya tano. Et tu seras même sûr. Na utahakikisha. Que Dieu m'a protégé. Ha Mungu kabisa iko na nilinda. Il y a un tournant. Où Dieu va t'avoir. Où Dieu va dire trop c'est trop. Mungu anasema yatosha. Où Dieu va dire petite. Mungu anasema, hey, aujourd'hui mchana, Leo, je te donne la leçon. Ninakupatia somo. Tu feras ça. Utatoa jasho. Et tu manqueras qui prier pour toi. Na utakosa wa kukuombea. Nous chantons la grâce, la grâce, tunaimba neema, neema, neema. Chers amis, wapendo, nous avons eu un séminaire sur ça. Tulikuwa na la grâce, mkutano juu hii. Source de salut a été manifestée. Neema ambayo ni chemchemu ya wokovu ilionekana. Elle nous enseigne na inatufundisha à fuir l'impiété. Kukimbia uchafu. Titus 2:11. Tito 2 mstari wake wa 11. À fuir l'impiété. Kukimbia zambi. L'inattention à la personne de Dieu. Kukosa uangalifu kwa utu wa Mungu. Regardez Deutéronome. Angalia kumbukumbu la Torati. Deutéronome 32 kumbukumbu la Torati. Israël est devenu gras. Israël kuwa. Il a régimpé. Tu es devenu gras, épais et replet. Ukanenepa. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Mungu, ule mumbaji wake. Il a méprisé akamzarao. Le rocher de son salut. Mwamba wa wokovu wake. Mungu njo Mungu wako. C'est Dieu qui est ton Dieu. Tu n'es pas ta mungine Mungu wako. Tu peux tirer un autre Dieu. Mais le même Mungu. Lakini ule tu l'as méprisé. Umemzarao. Tu as méprisé. Umemzarao. Je vais un peu courir pour qu'on prie. Nitaenda haraka ili tuombe. La troisième chose qui fâche Dieu. Jambo la tatu linalomkasirisha. C'est l'attachement syncrétique, pas systématique. Ni kuambatana ambao mguu mmoja iko ndani na nyingine iko nje. L'attachement syncrétique. Kuambatana ambao mguu mmoja iko ndani na iko nje mbele. C'est-à-dire mélanger Dieu avec autre chose. Ni kusema unamchanganya Mungu na mambo mengine. Vous lirez 1 Samuel 7 3 à 4. Utasoma Samueli wa kwanza 7 3 hadi 4. Cinquième chose. Jambo la tano. L'ingratitude envers les efforts divins à venir vers nous. Kukosa shukrani kwa ile kazi ya Mungu ambayo inatujia. 1 Samuel 7 1 2. Samueli wa kwanza 7 1 na 2. Deutéronome 5 7. Kumbukumbu la Torati 5 mstari wake wa 7. Sixième. Méchanceté de l'homme envers Dieu. Jambo la sita linalomkasirikisha Mungu. Ou indignation. Ama linakosesha Mungu. Approcher Dieu sans sincérité ni authenticité. Kumkaribia Mungu bila ukweli. Ésaïe 29 13. Isaya 29 mstari wa 13. Il est écrit dit, quand ces peuples s'approchent de moi, wakati hao watu wananikaribia, ils m'honorent de la bouche. Wananiheshimu tu kwa midomo yao. Mais son cœur est éloigné de moi. Wao, ni mbali et la crainte qu'il a de moi na, n'est qu'un précepte tu, de transition humaine. Nisaya kuenda kukanisa, tunaenda kukanisa. C'est le temps d'aller à l'église. Nisaya kuomba mbele ya kula, sala mbele ya kula. De manger, nous faisons la prière. Nisaya kuomba mbele ya kulala, sala kulala. C'est le temps de prier avant de dormir. C'est le temps de prier quand on se réveille. Simame tuombe. Wakati wa kulala, wakati tunaamka. Vous m'adorez de la bouche. Munaniabudu tu. Vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas authentique. Si wa kweli kweli. Et Dieu n'y prend pas plaisir. Na Mungu afurahie mambo hayo. Septième. La négligence est notre appartenance à Yahweh. Ni kuzarau kuwa kwetu kwa wa Mungu. Mon peuple a commis un double péché. Taifa langu limefanya. Ils m'ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive. Wameni achilia mimi pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est-à-dire vous avez le vrai Dieu. Ni kusema mna Mungu wa kweli. Vous abandonnez le vrai Dieu. Na mnachilia Mungu wa kweli. Pour vous confier à des faux dieux. Ili muende kwa miungu wa uongo. Pour vous confier à des chimères. Ili muende kwa wa miungu. Pour vous confier à des espérances trompeuses. Ili muende kwa ile tumaini ya. Et quand Dieu lit ça, il dit, regarde-moi ces hommes. Et ça l'indigne. C'est ça. Et beaucoup d'autres raisons. Ce sont toutes ces choses qui ont fait dans le parcours que nous venons de faire ici, que Dieu reste calme lorsqu'il devrait agir. Que Dieu frappe Mungu apige alors qu'on demandait azibu wakati watu walipo wanaomba kuja saidi. Que Dieu châtie Mungu azibu alors qu'on attendait la bénédiction. Ijapokuwa watu walikuwa wanasubiri baraka. Quelqu'un peut se lever ce soir? Kuna mtu anaweza kusimama jioni ya leo? On peut se lever s'il vous plaît. Tunaweza kusimama tafadhali.